Wilhelmine par Aimable Tastu. Les premiers rayons d'un beau soleil de septembre frappaient les obélisques de granit rose qui s'élèvent, surmontés d'aigles dorés, à l'entrée du palais de Schönbrunn et se réfléchissaient sur les armes polies des troupes rangées en bataille dans la vaste cour. Les tambours battaient au champ, l'empereur passait la revue, qui avait lieu chaque jour comme s'il eût été aux Tuileries, car il en était venu à se regarder comme chez lui dans chaque résidence royale de l'Europe. Arrivé devant des régiments de la Confédération, il se tournait en souriant vers un de ses aides-de-camp. « Voyons, monsieur de Salm, ceci doit vous connaître. Commandez-leur une charge en 12 temps. » Le jeune prince s'inclina en rougissant beaucoup, mais il obéit sans hésiter. Et tirant son épée avec aisance et noblesse, il commanda le mouvement, qui fut exécuté avec une grande précision. L'empereur, satisfait, alla se placer devant le palais pour assister au défilé, et quand les derniers rangs eurent dépassé la grille, et qu'il eut congédié tous ceux que leur service ne retenait pas près de lui, « Allons, messieurs, » dit-il aux autres, « il est encore de bonne heure. Le temps est beau pour la promenade, qui même me suivent. » Et il partit au galop. Il prit d'abord la grande route, mais bientôt, faisant un détour, il s'enfonça dans la campagne. Partout la guerre y met en prince ses stigmates fatales. On ne rencontrait que des villages à demi brûlés ou détruits par l'artillerie, des champs foulés sous les pieds des chevaux ou sillonnés par les roues des caissons, des bois tombés sous l'âge des sapeurs. Tous ces maux, si prompts à faire et si lents à réparer, que la conquête laisse après elle. Napoléon avait laissé peu à peu se ralentir le pas de son cheval, et livré à ses méditations, il s'abandonnait avec insouciance à l'instinct de sa monture. L'intelligent animal, comme s'il eût deviné les désirs de son maître, le conduisit vers un petit ballon écarté que le hasard de sa situation avait préservé des ravages de la guerre. À mesure que les traces des fureurs humaines disparaissaient pour laisser reparaître la nature dans sa beauté primitive, les sombres pensées qui rembrunissaient le visage de l'empereur et imposaient silence à tout ce qui l'entourait semblaient se dissiper pour faire place à des idées plus riantes. Son front soucieux s'éclaircit et son regard satisfait parcourut le paysage qui l'environnait. C'était une gorge étroite, bornée par 2 coteaux boisés. Dans le bas-fond, une douzaine de maisonnettes, propres et riantes, étaient groupées autour d'un moulin qu'alimentait un petit ruisseau babillard, où de vieux saules miraient leur feuillage grisâtre. L'empereur se dirigea vers le hameau et le traversa lentement. Au bruit des chevaux, les habitants se montraient reportés aux fenêtres, suivant des yeux les cavaliers avec une inquiète curiosité. Devant une habitation plus considérable et plus élégante que les autres, étaient rassemblés un groupe d'enfants que quelques femmes s'efforçaient de faire entrer dans la maison pour les empêcher de se jeter sous les pieds des chevaux. « Wilhelmine, Wilhelmine !» cria un des petits étourdis. « Viens donc vite voir les Français !» À cet appel, une jeune fille d'environ 16 ans se montra sur le seuil. Elle était simplement vêtue, mais elle ne portait pas, comme ses compagnes, le court jupon et le bonnet de velours des Viennoises. Son costume, quoique fort simple, était celui des dames de la ville. À peine eut-elle aperçu, au milieu de la troupe dorée des cavaliers, le petit chapeau et la redingote grise de Napoléon. « C'est lui » s'écria-t-elle, et elle s'élança en avant pour le mieux voir. À cette exclamation, Napoléon tourna la tête pour apercevoir celle qu'il avait prononcée. Il ne lui fut pas difficile de la deviner en rencontrant de beaux yeux bleus attachés sur lui, pleins d'un naïf enthousiasme. Ainsi mobile, avec sa beauté candide, sa taille élancée, sa longue robe blanche, son chapeau de paille, qui retombait en arrière dans le mouvement qu'elle avait fait, lui formait une espèce d'auréole. On aurait dit, à sa fermante attitude, d'une jeune sainte en extase. L'empereur, charmé de cette ravissante apparition, porta la main à son chapeau et salua en souriant la jeune fille, qui se réfugia aussitôt, rouge et confuse, derrière le groupe d'enfants qui l'avait suivi. Cet incident égaya la promenade de l'empereur, qui se retourna plus d'une fois pour revoir sa belle admiratrice et ne cessa d'en parler jusqu'à son retour au château. Il va sans dire que toute la suite renchérit sur le langage du maître. L'un de ces hommes que, pour leur malheur, les souverains trouvent toujours prêts à servir leur penchant, bon ou mauvais, se hasarda à dire que sans doute la belle enthousiaste n'avait pas été fâchée de se faire remarquer de l'empereur, et qu'assurément elle ne demanderait pas mieux que de le voir de plus près, si elle pouvait être assurée que Sa Majesté le désirait. Sa Majesté ne répondit que par un sourire qui fut interprété comme un consentement, et l'officieux personnage mit si bien le temps à profit que peu d'heures après, ils vinrent prévenir l'empereur que la jeune personne, transportée, ravie à l'idée d'approcher sa majesté, avait consenti sans peine à se laisser conduire au château dans la soirée. L'empereur reçut cette nouvelle à peu près comme si on l'eût annoncé que son dîner était servi. Quoi qu'on en ait dit, Napoléon faisait peu de cas des femmes. L'amour ne tenait dans sa vie ni la place pompeuse qu'il occupait dans celle de Louis XIV, ni la place honteuse qu'il s'était faite dans celle de Louis XV. Quant à lui, empereur, il profitait des occasions que la cupidité, l'ambition, une vaine exaltation jetaient sur son passage, comme il buvait le verre de vin de Chambertin que ses serviteurs tenaient à sa portée jusque sous le canon de Moscou, au péril de leur vie, et dont il se serait passé 100 fois, s'il avait dû lui coûter seulement la peine de le demander. Ce n'était pas que Napoléon fût un homme vicieux, mais il avait le sentiment de l'ordre bien plus que celui de la morale. Il faisait cas des bons ménages et ce serait, je crois, fait scrupule de mettre le trouble dans une famille ou de tendre des pièges à l'innocence. Mais du reste, il se passait assez volontiers ses fantaisies et pourvu qu'il prît la peine de se cacher de sa femme et d'éviter le scandale, il se croyait parfaitement irréprochable. Du moins, les femmes savaient toujours à quoi s'en tenir avec lui. Il ne leur laissait pas la plus petite illusion. En ceci, comme en toute chose, logicien pitoyable, il semblait dire à toutes « Êtes-vous une femme de bien ? Tenez-vous à votre mari et à votre ménage, et je vous estimerai comme telle. Êtes-vous une femme tendre et passionnée ? Contentez-vous de m'aimer à l'écart, sans rien prétendre au-delà. Êtes-vous une femme avide ? Je vous paye. Êtes-vous une femme ambitieuse ? N'essayez pas de vous jouer à moi, car vous n'avez rien à m'offrir qui vaille à mes yeux la moindre parcelle de ma puissance. » C'était clair, il n'y avait pas à s'y tromper, encore moins à le tromper lui-même. Si quelques-unes l'ont tenté à leur dépens, je ne les plains pas. Le soir arriva, et Napoléon, occupé à dicter des dépêches, ne se souvenait déjà plus de l'audience qu'il avait accordée, quand son messager, tout fier du succès qu'il avait obtenu, prit sur lui d'entrouvrir la porte du cabinet. Sa vue rappela sa majesté qu'une affaire plus agréable la réclamait. Elle n'interrompit cependant point sa dictée, mais elle pensa qu'elle pouvait mettre à profit le temps qu'on employait à sceller les paquets, et se hâta de passer dans un cabinet où l'on avait introduit la jeune fille. Ce cabinet, entièrement revêtu de laque, était brillamment éclairé. La lueur des bougies se reflétait dans les panneaux polis, dont le fond noir et or détachait merveilleusement la blanche figure de la belle Allemande. Elle portait une robe d'organdie ouverte par derrière en façon de tablier, suivant une mode d'alors, et rattachée par des nœuds de ruban rose. Une branche de laurier rose ornait sa ceinture, ses cheveux châtain clair descendaient en 1000 boucles le long de ses joues et de son cou de cygne. L'empereur, charmé à son aspect, s'arrêta un moment pour la considérer, tandis que la jeune personne lui faisait une profonde révérence, une révérence timide, souple, gracieuse, d'une suavité pleine de décence. Si, comme on l'a dit, ainsi que le style est tout l'homme, une révérence est toute la femme, celle-là valait un poème. Napoléon s'avance alors avec un assez galant empressement. « Comment vous nomme-t-on » demanda-t-il tout d'abord. « Wilhelmine, sire, » lui fut-il répondu d'une voix basse et tremblante. « Wilhelmine, c'est le nom de la reine de Prusse. Il paraît qu'en Allemagne, toutes les jolies femmes l'ont adopté. » En débitant ce compliment cavalier, il prit la main de sa belle conquête pour la conduire vers un canapé et, touchant sa robe, il lui demanda avec un peu d'émotion si ce n'était pas là du linon, étoffe qui, sans doute, se liait pour lui à quelques doux souvenirs. Wilhelmine, surprise de la question, lui répondit que non d'un air étonné. L'empereur la fit asseoir sur le sofa et, se plaçant près d'elle, il prit ses deux petites mains dans une des siennes et passa l'autre bras autour de sa taille. Effrayé de ce geste familier, la pauvre enfant recula précipitamment et fondit en larmes. Ce mouvement où, d'après la démarche de la jeune fille, Napoléon ne vit qu'une inutile simagrée, lui donna de l'humeur. « Qui êtes-vous ? » lui demanda-t-il brusquement. « Qui est votre père ?»« Le baron de Z, capitaine au service de l'empereur d'Autriche. » L'empereur fronça le sourcil. « La fille d'un gentilhomme, d'un militaire ? » dit-il en se reculant à son tour. « Et c'est vous, mademoiselle ?» qui venait trouver un homme la nuit. « Ah, sire ! » s'écria la jeune fille éperdue, « je ne pensais pas que vous étiez un homme. » Cette naïve exclamation alla chercher pour la chatouiller doucement la fibre la plus délicate de l'orgueil impérial. Le front de Napoléon s'éclaircit. Le sourire de ses jours de triomphe illumina son visage. Il n'avait pas soupçonné ce pur et innocent enthousiasme dont il était l'objet. Mais il venait de le comprendre, il en était plus flatté que du grossier encens qui lui était journellement prodigué. Délicieusement ému, il se leva et fit lentement 2 ou 3 tours par la chambre, les mains derrière le dos. Puis enfin, s'arrêtant devant la pauvre fille demeurée à sa place, immobile et tremblante. « C'était donc l'empereur Napoléon que vous vouliez voir ?» lui dit-il en souriant doucement. « Oui, sire, » répondit-elle en levant sur lui ses beaux yeux humides et souriant à son tour au milieu de ses larmes. « Eh bien, mon enfant, » reprit-il avec une bonté toute paternelle, « le voilà, regardez-le bien. » Mais l'admina profita de la permission. Involontairement, ses mains se joignirent, son genou fléchi à demi, et dans cette attitude d'une adoration muette, elle demeura quelques minutes en contemplation devant le grand homme qui s'y prêtait avec complaisance. Un léger coup sur la joue l'attira de son extase, elle tressaillit en rougissant, et l'empereur, en riant, se rassit à côté d'elle, et alors il se plut à lui faire raconter comment, tout enfant encore, les exploits du premier consul avaient frappé sa jeune imagination, comment elle avait entendu parler de ses victoires d'Égypte et d'Italie, comment lui avait appris qu'en France il avait rétabli la religion et puni les méchants, comment ensuite il était devenu empereur couronné par le pape. Elle savait la terreur que son nom inspirait en Allemagne, où chaque fois qu'il paraissait, il forçait tous les rois à demander la paix. Et toujours dans ses rêves, elle rêvait de l'empereur Napoléon. Elle était sûre qu'elle le verrait un jour, parce qu'elle avait tant prié Dieu pour obtenir cette grâce. Enfin, le matin, elle l'avait reconnu tout de suite d'après ses portraits. Et cependant, ajouta-t-elle, il me paraît à présent qu'il ne vous ressemble plus du tout. L'empereur écoutait ce naïf babil, tout en caressant doucement une des petites mains de la jeune fille qu'il tenait dans les siennes. Il se plaisait à contempler dans cette âme candide, comme dans un pur miroir, le reflet de sa gloire, et son image magnifiée par l'admiration des peuples. Tout à coup, un nuage passa de nouveau sur son front. Il attacha sur la jeune Allemande cet œil d'aigle qui semble pénétrer au fond des cœurs et de sa voix brève et impérieuse. « Votre mère vous a laissé venir seule ici ?»« Ma mère, » répondit-elle en secouant tristement la tête, « hélas, je ne l'ai plus. » Le regard de l'empereur s'adoucit. « Une orpheline, » reprit-il, « et quelles sont donc ces femmes que j'ai vues ce matin avec vous ?»« Ma nourrice et ma sœur de lait. » Quand la ville de Vienne fut menacée d'être bombardée par les Français, on renvoya chez leurs parents toutes les élèves de ma pension, et moi, dont le père était à l'armée et qui n'avait point de parents à Vienne, je demandai à être conduite chez ma nourrice, espérant que je serais plus en sûreté dans cet endroit écarté que dans la ville même. Ma pauvre nourrice, elle était si contente quand ce monsieur est venu s'offrir de me conduire près de votre majesté. Elle m'a dit, « Va, ma fille, va voir le grand empereur des Français, cela te portera bonheur. » L'empereur sourit de nouveau avec satisfaction. Mais reprenant bientôt l'espèce de brusquerie sous laquelle il dissimulait d'ordinaire un attendrissement auquel il n'aimait pas à céder. « Savez-vous, » dit-il en changeant d'entretien, « que vous parlez le français à merveille. On ne me prendra jamais pour une autrichienne. »« Je ne suis pas autrichienne, sire, » reprit-elle vivement. « Ma mère était alsacienne et mon père est de Prague. »« Vraiment, en ce cas, vous êtes à demi ma sujette et par conséquent sous ma protection. » C'est pourquoi, ajouta Napoléon en prenant un air sérieux. « Vous ne devez pas rester ici plus longtemps. » Il tira le cordon d'une sonnette et demanda à son premier valet de chambre. « Constant, faites préparer une voiture et disposez-vous à accompagner Mademoiselle de Z, avec tous les égards dus à une noble et honnête demoiselle, à la fille d'un brave officier. » Le premier valet répondit par une inclination respectueuse et se retira pour exécuter les ordres qu'il venait de recevoir. L'empereur se rapproche alors de Wilhelmine qui s'était levée en même temps que lui, mais sans oser quitter sa place. Et lui prenant les mains, il la regarda un moment hochant la tête. « Vous êtes enthousiaste, » dit-il. « C'est une dangereuse maladie chez les femmes, surtout quand elles sont jeunes et jolies, et qu'elles n'ont ni mère ni mari pour les protéger. Ainsi, croyez-moi, dites à votre père de vous marier au plus vite. » À ce conseil un peu cru, la pauvre Wilhelmine rougit si fort que les larmes lui en vinrent aux yeux. « eh bien !» « Qu'est-il là qui doit vous effrayer ?» reprit Napoléon avec une gaieté brusque. « Avec un pareil visage et une jolie dot, les épouseurs ne doivent pas vous manquer, et rien ne s'oppose à ce que vous en choisissiez à votre goût. »« Mon père est sans fortune, sire, » dit la jeune personne en essayant de surmonter sa confusion. « Qu'importe, ne suis-je pas là, moi ? Avez-vous oublié que votre visite à l'empereur Napoléon doit vous porter bonheur ? » Elle joignit les mains dans un mouvement de gratitude, mais un geste de Napoléon arrêta ses remerciements sur ses lèvres. La porte se rouvrit, et Constant annonça que tout était prêt. L'empereur fit alors à la belle-fille un signe de la main, et la congédia avec ces simples paroles « Bonsoir, mon enfant, dormez bien. » Appuyé contre la console, il la vit se retirer le cœur palpitant et les yeux humides, et après son départ, il demeura quelques instants immobile dans la même attitude. Cet entretien avait réveillé en lui un souvenir dès longtemps oublié, les pures et douces émotions de ses premières amours, alors que, simple lieutenant d'artillerie, il obtenait d'une belle fille de son âge un furtif rendez-vous à la pointe du jour, dont tout le bonheur se réduisait à manger ensemble, assis sur le même banc, des cerises fraîchement cueillies. Hélas, depuis longtemps, les pensées dévorantes, les soins desséchants avaient fait évanouir ces naïves délices. Depuis longtemps, la riante végétation qui parait le flanc de la montagne avait disparu sous les couches de lave successivement refroidies. Mais pour un moment, la brise fugitive venait de lui rapporter les émanations lointaines des fleurs qui l'embaumaient jadis. Ce fut toutefois l'affaire de quelques minutes. « Allons, » se dit-il en passant la main sur son front, « ce n'est pas le moment de me livrer à de pareils enfantillages. » Et retournant à son cabinet, il reprit le fil de ses dépêches, levier puissant qui soulevait l'Europe. Toutes ces dépêches, cependant, ne furent pas politiques. Le lendemain, de grand matin, une ordonnance arriva au galop dans le petit village de X, mis pied à terre devant la maison de Wilhelmine, et remit à cette dernière un gros paquet scellé aux armes impériales. Le paquet contenait 300 000 francs en billets de banque et une lettre adressée non à la jeune fille, mais à son père. Monsieur le baron de Z. Sa Majesté l'Empereur, ayant eu occasion de voir Mademoiselle Wilhelmine de Z, m'ordonne de vous dire que l'intérêt qu'elle lui inspirait comme fille d'une Française et d'un brave militaire l'a porté à lui accorder une somme de 300 000 francs destinée à faciliter son établissement, auquel Sa Majesté vous invite à songer le plus tôt possible, l'isolement étant d'autant plus dangereux pour une jeune fille qu'elle a plus d'innocence, de beauté et de candeur. Sur ce, Monsieur le Baron, etc. » À l'heure où les courtisans se rendaient à ce qu'on appelait le lever de l'empereur, quoiqu'il fût toujours levé depuis longtemps, l'officieux Mercure de la veille vint présenter son visage souriant. Il ne tint pas compte du froncement de sourcils qui accueillit ses salutations, et s'obstinant à se trouver toujours sur le passage de Napoléon, il attira sur sa tête l'orage qu'il aurait pu éviter. « Depuis quand, monsieur ? » s'écria l'empereur en prenant ce qu'il lui-même appelait sa figure d'ouragan. « Depuis quand me croyez-vous capable de porter le trouble dans une famille honorable et d'abuser de l'ignorance d'une honnête jeune fille ? Suis-je donc un Louis XV et me connaissez-vous si mal ?» À cette apostrophe, le personnage, étourdi, confondu, balbutia, perdit la tête et ne sut plus quelle contenance tenir. Avant qu'il eût pu trouver un mot à répondre, l'empereur lui avait tourné le dos et adressé au reste de l'assemblée une sorte d'allocution sur la nécessité des bonnes mœurs et de l'union des familles. C'était son thème ce jour-là. Aussitôt, toutes les voix furent à l'unisson. L'anecdote de la veille avait déjà transpiré, et l'un des courtisans hasarda, par forme d'allusion, quelques mots sur la continence de Scipion. « Bon, » dit l'empereur avec impatience, « la continence de Scipion. Encore un de ces radotages historiques que je suis là d'entendre répéter. Le beau mérite que de respecter une femme qui ne se souciait pas de lui quand il en avait tant d'autres à sa disposition. « Certes, » reprit l'interlocuteur en souriant, « si la conquête du grand Scipion eût été mieux disposée en sa faveur, je doute que l'éloge de sa continence fût arrivé jusqu'à votre majesté. Car qu'y a-t-il au-dessus de la possession d'une belle personne ?»« Mon cher, » reprit Napoléon en lui pinçant l'oreille d'un air mi-souriant, mi-rêveur, « il est quelquefois plus doux d'y renoncer. » C'était Wilhelmine par Aimable Tastu.